Moi, j'ai dû user de PK. Mais Esther, il y a une chose que tu n'as pas dite, c'est que j'ai écrit le texte en chinois. C'est-à-dire qu'en fait, la langue était française, mais le discours était chinois. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai essayé, par tous les biais, de produire un texte en français, et qui soit en fait du chinois. Les comparaisons, enfin, non seulement les drapeaux rouges, mais tout le reste. Enfin, parce que la question de ce texte était comment présenter ce projet Jean Nouvel de façon à ce que la commission qui vote, qui choisit entre les projets, puisse choisir celui-là. Donc au fond, le problème, là, c'est un problème de l'auteur français écrivant en français un texte de chinois. C'est-à-dire que ça aurait été voulu faire. Donc je trouve que là, j'étais facile à traduire, puisque c'était déjà du chinois. Non, votre style est plus facile à faire passer, oui. Style. Attends, c'est pas seulement une question de style, c'est qu'au fond, j'ai essayé de produire un texte en chinois. Oui, il y avait l'effet pastiche qui était frappant. Moi, je ne connais pas ce texte, donc je l'ai découvert et je me disais, mais il ne doit pas y avoir de difficulté de traduction parce que j'avais l'impression d'un effet pastiche. Et je me disais au contraire, le traduire en anglais, alors, doit être extrêmement difficile. Donc ça pose la question, enfin, je crois, de la langue et du discours. Là, c'est un texte qui était, encore une fois, écrit en français, et dont le discours était un discours chinois, enfin, que j'essayais de faire chinois. Alors, je réplique en chinois, oui. Le problème, c'est qu'il est paru, en fait, qu'en anglais et en chinois. Donc c'est le pire pour celui qui écrit, c'est que le texte ne paraît pas dans sa langue. Donc c'est un texte écrit en français mais qui n'existe pas, comme ce que j'ai fait pour d'autres textes. Je veux dire, de plus en plus maintenant, quand on vous demande un texte à l'étranger, moi je dis je pense en langue, donc je l'écris en français, et puis c'est là aussi que je peux opérer. Mais il ne paraît pas en français. Il paraît dans différentes langues, peut-être toujours l'anglais, le chinois. Voilà. Ça c'est notre la situation d'aujourd'hui. Mais donc au fond, la réflexion porte entre langue et discours. Le fait qu'apprendre la langue ne suffit pas. Et moi, c'est la question que j'ai eue en tant que sinologue, c'était d'apprendre, au-delà de la langue chinoise, du discours chinois. C'est pas la rhétorique qui est du discours, c'est-à-dire, en fait, c'est tout ce que engage un propos quand on veut, le rendre audible, au sens fort du terme. Je ne veux pas abuser de la parole parce que tout le monde a sûrement des questions à poser, mais puisque en l'écoutant et en ayant compris effectivement sans le savoir ce qui avait été ce qui avait dicté pour ton écriture, et disons si je devais traduire ça en anglais, je ne suis pas la traductrice de l'anglais, mais j'imaginais ça, ça serait extrêmement difficile. Ça me faisait penser à ce que m'avait dit un jour Louis Marin, me disait, oh, c'est très compliqué, moi j'écris mes conférences en français, et lorsqu'elles sont traduites en anglais, moi j'ai prévu une heure, il ne reste que 35 minutes. Parce que, effectivement, ce qui passe en anglais se dit d'une toute autre façon, avec une efficacité autre. Non, mais j'en profite pour poser deux questions. L'une peut-être à vous quatre, qui déplacerait la question de la traduction du côté de la réception. Il me semble que les deux sont absolument liés et que cet aspect des choses a peut-être été moins mis en lumière. Et j'y ai pensé lorsque vous mentionniez, à juste titre, les traductions de Shakespeare. Les différentes traductions de Shakespeare. Or, les traductions de Shakespeare, bien évidemment, elles posent des problèmes de traduction. Qu'est-ce que l'on peut traduire époque classique, qu'est-ce que l'on peut traduire plus tard, etc., de Shakespeare. Mais ces traductions sont évidemment soumises à la question de qu'est-ce que l'on reçoit de Shakespeare. Comment on perçoit Shakespeare. Et il est évident qu'on a vu apparaître comme ça un Shakespeare tragique, un Shakespeare que l'on voulait racinien. Alors évidemment, ça fait que l'on a opéré des choix, évidemment, dans le corpus shakespearien. Puis on a vu un Shakespeare romantique avec la tradition de François Hugo, etc. Bon, je ne vais pas décliner tout cela. Donc je voulais simplement dire qu'il y a un autre volet qui est celui, effectivement, de la réception, des conditions de possibilité de réception qui surdéterminent la question pure, je ne dirais pas simple, du travail de traduction. Et puis, en vous écoutant avec énormément d'intérêt, et connaissant la seule petite chose peut-être que je connaisse de la Chine, et elle est minime, c'est peut-être ce qui s'est joué ces dernières années sur la scène de l'art contemporain. Et je me suis demandé si, finalement, le fait que, dans notre propre société occidentale, depuis la modernité, et surtout bon, depuis la modernité, oui, on peut la faire remonter au milieu de la fin du 19e siècle, ou plutôt à la fin du 19e siècle, puis ça n'a fait que s'accentuer. L'art est affirmé qu'il passait par-delà cette espèce de ligne de partage ou de démarcation entre le beau et le laid. Par-delà le beau. Plus quand on voit dans une exposition d'art contemporain, on ne se demande pas si c'est beau. La question que les gens, avec un air pénétré, se posent, ah, c'est intéressant, c'est nul. Bon. Donc le fait qu'il y ait eu ce passage au-delà de cette frontière du beau a favorisé la possibilité de cette émergence d'un art contemporain en Chine, du fait que justement il était libéré de cette question qui avait été longtemps celle de l'Occident, la question du beau. Et cela, évidemment, indépendamment d'un autre phénomène qui est celui de la mondialisation, d'imiter, de copier, de savoir, parce qu'ils sont valables sur la scène du marché mondial. Bon, il y a un genre de l'art qui s'appelle l'art contemporain et qu'on va faire comme ça. Non, c'est vraiment revenir à cette idée, est-ce qu'il n'y a pas une libération du fait que sur la scène occidentale, on était aussi passé de l'autre côté de cette question. Je ne sais pas si je suis claire. Je ne sais pas si c'est clair. Comment dirais-je au niveau de l'art contemporain chinoise, donc il est d'aujourd'hui, donc elle utilise toujours le même, je pense, le même moyen d'expression de bien de l'Occident, mais très peu de l'artiste donc il développait son propre langue donc bien de l'esthétique traditionnelle chinoise donc oui donc c'est dans ce niveau là donc je pense que la pensée de François Julien donc à travers de la traduction de l'aspect artiste donc ça donne quelque chose de, la remarque que je vais faire, regarde dans ton exposé là-dessus, c'est qu'au fond, on est dans l'aller-retour. Ce qu'au fond, le problème que vous avez, c'est de présenter ce qu'est le cinéma concertienne en le dégageant du discours, disons, qui est celui d'abord à l'Occident pour du cinéma. Et pour laisser paraître ce qui est, disons, le plus significatif de son œuvre. Donc il faut arriver à vous emprunter les catégories européennes et vous devez en même temps vous en décaler, vous en écarter pour faire reparaître ce qu'est ce cinéma. Donc c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte de ce que c'est cette difficulté. Vous êtes chinoise, vous présentez le cinéma chinois et pour le présenter, vous le présentez dans les termes européens et vous en même temps vous démarquez des termes européens. Cette opération-là qui est une opération difficile. Je ne sais pas si je suis clair. Je crois que vous vous rendez compte de cette situation. Qu'est-ce que c'est pour une chinoise présenter du cinéma chinois? Bien sûr. Il s'agit donc de forcément de passer par le outillage théorique européen, et en même temps, dans cette utilisation, faire tout ce qu'il faut pour s'en écarter, et donc faire après ce qui peut être une... Je ne sais pas chez moi. Et c'est la dernière chose qu'elle n'a pas comprise. Quand tu as lu la traduction que tu as faite, plutôt en français, le texte de Bourdieu, Jean Nouvel, image, j'ai mis image slash phénomène. Oui. Quand tu as traduit, tu as lu seulement l'image. Au fond, ce qui me paraît assez, disons, significatif, c'est que si j'écris en, disons, en discours chinois ce texte, effectivement, je suis dans cette... Pour moi, travail donc inverse du traducteur, qui est que je ne peux pas dire image, il faut juste image phénomène en français. Ce qui est là, on ne passe pas. Image slash phénomène. Donc il faut que je produise en français les conditions de compréhension du concept chinois de image, qui n'est jamais image, image reproduction, image mimétique, qui est image en même temps que phénomène. Siang signifie les deux. Siang signifie inséparablement les deux. Donc si j'écris, bien qu'en français, un texte, qui est un texte en fait de chinois, je dois, en français, rétablir chaque fois, corriger chaque fois que ce n'est pas image, au sens où les Français comprennent que c'est image phénomène. Parce que sinon, tout est vie. Il s'agit d'un musée. Donc il ne peut pas s'agir seulement d'image. Non, c'est bien que... Donc au fond, il faut défaire les conditions d'incompréhension. Donc je crois que tous les trucs sont bons. Enfin, je veux dire, là, après, c'est une sorte de cuisine que chacun fait pour arriver à ne pas faire ce que vous avez très bien évoqué, M. Romero, tout à l'heure, à savoir qu'à un moment, quelque chose bascule qui fait qu'ensuite, ce n'est plus compréhensible. Ou qu'on croit encore comprendre, mais en fait, c'est dévié. Et donc, globalement, ça ne passe plus. Et c'est ça que je crois qu'il faut, dans la traduction, faire, c'est empêcher, organiser les conditions pour bloquer l'incompréhension. Pour paralyser l'incompréhension, parce qu'effectivement, si j'écris, si je dis image, en français, en langue européenne, tout de suite quelque chose est engagé, impliqué, qui est l'image, reproduction, mimétisme, etc. Or, c'est ce qu'il faut paralyser si on veut entrer dans la pensée chinoise. Pour montrer que l'image, non, c'est pas l'image reproduction, l'image c'est l'image phénomène, c'est le même mot, parce qu'au fond, de l'image, c'est du phénomène. Alors, comme tu dis, l'art contemporain le sait, ça, que l'image, c'est du phénomène. Donc, au fond, c'est traduire, je crois, c'est pour une part, neutraliser les conditions d'incompréhension. Je vais répondre à madame. Bon, je commence par raconter, d'abord par faire un éloge à madame Li. Je vois que les dames de Taïwan sont très bien formées dans la langue classique chinoise. Au moins, je suis incapable de traduire avec ces belles phrases. Vraiment, c'est du classique. Alors, au continent, on fait moins de ça. Ils sont plus pragmatiques. Et puis d'ailleurs, je m'excuse, ces textes auxquels je résiste un peu, parce que qui m'entraînent dans une sorte d'état euphorique, et puis je ne raisonne plus. Je vis en France justement pour apprendre comment fonctionne l'esprit cartésien. Et puis, c'est pour ça que je dis ça, excusez-moi. Bon, je repense ce que je dois répondre. C'est dans l'insoutenable légèreté de la vie. Et puis, vous avez un épisode qui raconte que Thomas, à un certain moment, il voit, il dit que voilà, à la vue d'un corps d'une femme nue, il le désire. Réaction corporelle. Et pourquoi je ne vais pas voir un hirondelle qui vole? Et puis, j'ai le désir sexuel. Alors, une autre anecdote dans un autre roman chinois, qui est un garçon, bon, deux garçons avec une fille de la même classe à l'université, et puis celui-là qui n'a jamais cherché à séduire la fille qu'il aime. Et puis, plusieurs années après, il explique. Je ne peux pas imaginer qu'une femme enceinte qui détruit sa beauté. C'est pour ça que je n'ai jamais demandé à l'épouser. Vous voyez, déjà, il y a quelque chose du commun dans ces deux histoires. mais il y a quelque chose de différent, certainement. Alors, comment nous sommes tous humains, bien sûr, nous avons tendance d'aller vers le spirituel, chercher la beauté pure, esthétiquement. Il y en a. Mais chez Thomas, vraiment, vous voyez tout de suite, vous avez une frontière entre le monde de la nécessité et le monde de la liberté. Ça n'existe pas en Chine. Mais les Chinois aussi ont tendance d'aller chercher quelque chose de spirituel, une beauté pure. Alors, avant de connaître votre concept de transcendance, si on veut expliquer qu'est-ce que ça veut dire le monde de nécessité et le monde de liberté, et puis liberté, nécessité, entre lesquelles il y a une frontière, une rupture, il n'y a pas d'échange, en quelque sorte, un Chinois n'arrive jamais à comprendre. Jamais. Bien sûr, par analogie, on peut transmettre une histoire dans une autre qui se permet à comprendre, mais la compréhension aura toujours une distance. Un jour, peut-être quand le système est établi, quand on a bien compris tout ce qu'il y a de... qui se rapporte à Babel, à l'histoire de Babel, à votre christianisme, tout ça, à ce moment-là, on peut introduire des éléments comme transcendance, comme monde de liberté, c'est possible. Mais avant, on est obligé de le mettre dans le système chinois pour comprendre. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors pour le texte de M. François Lunien, vous constatez bien qu'en réalité, il y a un rapport, ça devient déjà un système entre immanence, entre égard, entre processus, et relations, tout ça, ça devient système. Alors, si ce système n'a pas été créé, si on n'a pas comme référence dans son cerveau ce système pour mettre tel ou tel concept à telle ou telle place, on est obligé de prendre un concept qui se met dans une place d'un système existant. C'est l'assimilation. Il n'y a pas d'autre moyen. Dès que notre système nouveau qui s'introduit peu à peu après, qui devient vraiment quelque chose de complet ensemble, intelligible, si vous voulez, à ce moment-là, c'est la commentation. C'est ça ce que je veux dire. Alors, tous les deux sont nécessaires. Il faut juger à quel moment, pour quel élément, on doit faire quoi. Nous sommes tous des êtres humains. Il y a du commun. Je prends le concept de François Julien. Mais ce commun n'est pas identique. Il y a encore une différence. Surtout derrière, culturellement, il y a une grande différence. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? La parole est à vous. Hein? Non, il n'y a pas. Non, moi j'aimerais juste revenir sur la... Pourriez-vous vous présenter brièvement? Bernard Gann, je suis sociologue au CNRS, dont je travaille sur les entreprises, et puis en Europe et en Asie. Moi je reviendrai plutôt comme sociologue, donc je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais j'y vais depuis 15 ans. Quoi. Et c'est peut-être important parce qu'il y a des plis que je n'ai pas pris, j'en ai pris d'autres sans doute, mais il y a des plis que je n'ai pas pris et qui ont pu donner, bon alors effectivement il y a des fermetures et des ouvertures, il y a des possibles qui ont été travaillés et d'autres pas. Voilà. Je reviendrai juste sur la dernière période, enfin sur ce qui s'est passé justement, y compris entre vous d'ailleurs, parce que sur les évolutions de la langue c'est très intéressant je pense, et j'aimerais savoir si ça a été creusé. Hein, il y a eu la langue de Taïwan, la langue du continent. Et il y a eu quand même des ruptures assez fortes dans ces évolutions. Elles ne parlent plus forcément exactement des mêmes choses. Il y a un tronc commun, et puis il y a eu des... Et j'aimerais savoir si cet aspect-là a été... qui est très actuel, hein, et puis il y a eu quand même toute la réforme, y compris des caractères, à la simplification des caractères, donc toute l'influence de... Ces deux courants... Alors c'est l'influence de politique au sens très large, au sens d'évolution d'un pays, est une culture, donc, hein, et une culture qui s'est créée et qui se met à créer des chemins différents et sans doute. Bon, enfin, est-ce que vous pouvez éclairer un peu ça? Est-ce que c'est des choses qui sont travaillées, je ne sais pas, du côté taïwan et du côté Chine continentale? C'est spécialiste, l'impuissance. C'est un impuissance. C'est intéressant parce qu'on est dans le phénomène tout à fait vivant de ce qu'est une langue, liée à une culture, liée à une évolution historique, liée à une contingence, liée à un système de représentation, un système de valeurs, etc. Je ne sais pas comment je vais vous répondre parce que je ne connais pas très bien comment on parle à Taïwan. Certainement, il y a de divergences. D'abord, ils gardent encore l'ancien caractère classique. Et puis, comment je vais dire, je vais dire ce qui me frappe plus. En réalité, non seulement à Taïwan, au Japon c'est pareil, c'est-à-dire en réalité ils ont gardé plus de traditions culturelles et puis en même temps c'est un monde plus ouvert au monde. Alors bizarrement, dans le langage c'est pareil, alors en même temps vous voyez, bon, leur texte qu'ils produisent est plus proche du texte classique. Et puis chez nous, c'est pas, même la structure de la phrase a été beaucoup influencé par, oui, par la grammaire occidentale. C'est vraiment différent. Alors, oui, au continent, on parle d'une façon... C'est pas la syntaxe même qui a été influencée. Alors, sans parler des mots simplifiés, dans lesquels, si on cherche la racine, on trouve plus les anciens liens entre tel ou tel mot. Comme chez vous, en France, on a l'habitude de travailler sur les mots en cherchant les racines et puis de redéfinir les mots. Ça, avec certains caractères simplifiés, ça, on n'y arrive plus parce que cette partie-là a disparu. Alors, il faut retourner aux anciens caractères. Puis, pour des concepts, bien sûr, comme le continent est tellement influencé pendant certains temps par le communisme, et puis, vous avez des tas de concepts venus de la Russie. Et puis à Taïwan, c'est une autre histoire. Voilà. Je vous laisse parler. J'apprécie beaucoup l'honnêteté de mon collègue. Vraiment, il est vraiment bien. C'est bizarre que entre Chine et Taïwan, on a depuis après 49, on s'évolue séparément. Comme il vient de faire une remarque sur la tradition que Taïwan a conservée, la tradition chinoise dont je parle, et l'ouverture vers l'Occident. Bon, principalement, c'est vers le Japon, puisque Taïwan a été colonisé pendant 50 ans, ce n'est pas rien. Et aussi après vers les Amériques, les Américains, l'Amérique. Et en fait, depuis assez longtemps, vers l'Europe. Actuellement, les Taïwanais sont des fans, des amis de la France. Il est vrai que j'ai reçu une éducation en chinois classique. En chinois classique, c'est à peu près le latin, le grec chez vous, en Europe, je veux dire. Et. Donc, je travaille à l'Institut des hautes études chinoises au Collège de France. Donc, tous les jours, je lis des ouvrages chinois, pour la plus souvent en caractère simplifié. Et il m'arrive aussi des ouvrages en caractère traditionnel. Pourquoi? Parce que notre institut est spécialisé en Chine classique. Donc, forcément, les classiques chinois, les études sur la pensée chinoise, sur l'esthétique chinoise, sur l'histoire, l'archéologie, tout ça sont plutôt classiques. Donc, en lisant, c'est vrai que assez souvent, quand je lis des articles ou bien des ouvrages écrits par nos confrères, consoeurs chinois du continent. Personnellement, je n'aime pas trop parce que ces leurs phrases sont souvent influencées par, la syntaxe occidentale. Et ça, ce n'est pas que je refuse ça, je comprends ce qu'il veut dire, mais le problème c'est que ce n'est pas, à mon sens, pas chinois, du point de vue de chinois pur, classique. Tout simplement ça. Mais il y a, quand je lis des livres ou des articles écrits par des Chinois qui font des lettres chinoises classiques, alors là, aucun rupture, aucun distance, aucun écart. Ça, c'est, je lis avec beaucoup de plaisir parce que c'est le chinois que j'ai appris, que j'ai, dans mon travail de traductrice, j'essaye de ne pas utiliser les tournures classiques. Parce que il faudrait que le public sinophone d'aujourd'hui arrive à recevoir. Ça, en tant que traductrice, j'en suis consciente. Donc, j'essaie de ne pas traduire l'auteur, trahir l'auteur, mais de me placer aussi, de penser très souvent à mon futur lectorat. Et là, j'avoue que je voyage entre le chinois classique et le chinois moderne. Et en fait, il n'y a pas trop de problèmes. Ça se comprend. Même si peut-être certaines phrases paraissent plus classiques pour certains lecteurs, alors que d'autres phrases semblent plus contemporaines pour d'autres lecteurs. Mais en gros, j'y arrive quand même. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ça veut dire que le public ne peut jamais être absent, il est très présent dans les... à chaque fois, et que pour traduire un texte, on peut le traduire de différents... Enfin, on risque de le traduire de différentes façons. En fait, mon collègue chinois ici présent, professeur Wu, c'est un traducteur chevronné. Il montre pas, mais je regarde ce qu'il a déjà traduit, publié, déjà écrit. Il a beaucoup d'expérience. D'autres questions? Oui, merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Ho, vietnamien, et puis Wu en chinois, mais en fait je suis vietnamien. Ceci n'intervient absolument pas dans ma discussion. Hein. Je trouve que nous avons beaucoup de chance d'avoir quatre personnes d'origine chinoise qui parlent si bien français. Donc j'en profite pour vous poser une question. Alors la question à nous quatre. Aux quatre personnes, mais surtout au professeur Wu et à Madame Lin, mais les autres aussi. Alors, moi, ma question est la suivante. La Chine a traduit, je ne sais pas combien d'ouvrages de François Julien, etc. Et il y a des gens qui étudient donc l'œuvre de François Julien. Ma question est très naïve. Je voudrais vous demander si, du côté chinois, il y a quelqu'un qui a déjà posé la question suivante: qu'est-ce que M. Julien fait au sujet des idées chinoises? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ce serait quelqu'un qui a une formation de philosophie occidentale, grecque, etc., qui regarde la culture chinoise et, à la place des Chinois, il a proposé des concepts? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a donné son avis à lui? Est-ce que parmi les professeurs, les chercheurs chinois, il y a quelqu'un qui a lu un livre du professeur Julien et qui dit « Oui, mais ça, c'est pas du tout ça, il n'a pas vu comme nous on a vu. » Est-ce que cette façon finalement de poser la question sur quelle est la nature du travail de M. Julien vis-à-vis de la culture chinoise, vis-à-vis des valeurs chinoises, vis-à-vis de la façon de vivre des Chinois, etc. Est-ce que vous avez posé cette question-là et vous êtes capable d'écrire, par exemple, un livre de 200 pages, 200 pages, disant que voilà ce que M. Julien pense de notre façon de vivre, de penser, et ce que nous, Chinois, on pense que comprendre comme ça. Voilà. Bien. Merci pour votre question. Je vous je vous donne à tous un chiffre, hein, parce que j'ai compté. Traduction en chinois des œuvres de Fang Shuyan en date, 8. Donc, je donne la parole à mes collègues pour répondre à votre question. Pour une personne ou bien pour une nation, ce serait pareil, celui-là qui se porte à réfléchir sur son propre état par rapport à un dehors. Et à ce moment-là, comme chez nous, Confucius a dit, s'il y a trois personnes qui marchent ensemble, il y aura certainement quelqu'un qui m'enseigne quelque chose. C'est une attitude tout à fait correcte. C'est-à-dire, je ne cherche pas ma supériorité, je ne cherche pas est-ce que je suis mieux placé, est-ce que je suis supérieur aux autres, parce que ces gens-là, alors ils ont des problèmes psychologiques. C'est vrai. Le comportement correct d'une personne ou bien d'une nation, c'est par rapport aux autres. Je cherche comme référence, est-ce que je peux découvrir quelque chose? Avec ça, je peux m'améliorer. C'est ce que François Julien a fait avec la culture européenne. Il n'a pas écrit ici pour les Chinois. Pour moi, pas du tout. Il écrit pour les Européens. C'est pour ça qu'il dira que voilà, vous avez encore en Chine quelques phénomènes et ils se comportent d'une autre manière. Il ne juge pas est-ce que ce comportement est correct ou non. Il dit tout simplement, on peut faire comme ça. Est-ce que tu as pensé qu'on peut faire ça? Tu es incapable de penser. Tu ne penses, même tu n'y penses jamais. Et par hasard, si tu n'y penses, si tu te comportes comme un Chinois, peut-être il y aura une autre issue, une autre solution. Alors pour les Chinois, bizarrement, alors comme François Vinet ne critique pas la culture chinoise, certains Chinois se considèrent très flattés. Alors, j'ajoute, ils ont des problèmes psychologiques. Très flattés, comme ça, ils se mettent à traduire, ou bien à parler, François Julien. C'est une autre histoire. Vous avez un grand prof philosophe, un grand prof en retraite, Madame Du Xiaozhen, qui est philosophe, qui a fait beaucoup de recherches sur la philosophie européenne. Elle aime aussi beaucoup François Julien. Et nous partageons tout à fait le même avis. Chez François Julien, nous avons découvert quelque chose. Mais d'abord, il faut avoir un esprit critique à l'égard de sa propre culture en lisant François Julien. Je ne cherche pas chez François Julien des éloges pour la culture chinoise. Non, pas du tout. Je cherche, est-ce que, à travers les concepts qu'il a créés, je peux porter un autre œil, un autre point de vue nouveau sur la culture chinoise. Et d'ailleurs, c'est vrai. C'est incroyablement vrai que chez les autres sinologues, ils ont, bien sûr, beaucoup travaillé, découvert beaucoup de phénomènes. Mais il y a toujours une tendance, si je dis ça, c'est un peu trop audacieux. Il y a toujours une tendance, quand vous êtes plongé dans la culture chinoise, vous deviens non-sinologue, vous deviens chinois. Vous travaillez beaucoup, ben c'est toujours, on se réfugie tous les temps un peu dans les détails. On est privé d'un esprit métaphysique que François Julien critique dans ses écrits, mais en réalité, ce qui est comme base dans sa pensée, c'est encore la métaphysique. Alors, avec ce genre d'attitude, une attitude qui s'enracine dans la tradition philosophique occidentale, européenne, on porte un regard sympathique sur les comportements, peut-être souvent jugés bizarres, des Chinois. Ça découvre quelque chose. C'est phénoménal pour les Européens. Mais pour les Chinois, c'est-à-dire on peut penser autrement les comportements chinois. Je ne suis pas pour ceux des Chinois qui le considèrent tout de suite comme un éloge, mais ils pourraient, avec ces concepts, reconstruire leur pensée. Mais qu'est-ce que ça veut dire la Renaissance? La Renaissance, ça ne veut pas dire reprendre les termes qu'on a utilisés autrefois, visiter, mais c'est de le faire renaître. Il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est ce que nous n'avons jamais fait, mais le mot est trop fort, jamais fait, c'est dire les gens qui se consacrent sur l'étude confucianiste, ils n'ont jamais essayé de faire renaître ces anciens concepts. Ils essayent de réexpliquer, expliciter, avec, par exemple, à propos du terme de piété filiale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont jamais essayé de donner une définition. Ils ont essayé de rassembler une centaine de cas précis cités par Confucius pour nous dire qu'est-ce que ça veut dire piété filiale. Mais c'est la répétition. Comment on peut s'évader de cette répétition? Aujourd'hui, je vois une lumière chez François Julien. Je ne vois pas chez les autres sinologues. Vous voulez répondre? Non. Une dernière question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous nous retrouvons.